passer si c'est ta la nuit. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des joues heureux. Elles aiment les sucettes, les sucettes à la nuit, les sucettes à la nuit d'Ani. Donne de ses baisers un goût anisé lorsqu'elle a sur sa langue que le petit bâton. Elle prend ses jambes. Creux.